À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, des journaux de divers pays présentent des articles. Le journal égyptien Al-Akhbar Al-Masai a présenté un écrit titré « Kim Il-sung et son histoire brillante ». Le pakistanais Quetta Daily Independent a exalté les exploits du président Kim Il-sung qui a précisé les idées sur l'émancipation du monde entier, soutenu et aidé tant sur le plan matériel que moral la lutte de libération nationale dans les pays coloniaux et l'édification d'une société nouvelle des peuples de divers pays. Le Bangladesh Daily Nowroz et le Kuwait Times ont loué la vie révolutionnaire sacrée, les exploits et la noble personnalité de Kim Il-sung, qui a fait une grande contribution à sa patrie et à son peuple, à l'époque et à l'histoire, avec ses pensées et théories éminentes et sa pratique révolutionnaire colossale. Le journal Iranus, les Indiens New Delhi Times et Indian and World Event ont exalté également la vie et les exploits du président Kim Il-sung.